إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 14 dans l'explication du livre Sharh Kitab al-Kaba'ir, l'explication du livre des grands péchés, les péchés capitaux. Et on est arrivé à une autre section dans le livre, Abwab Kaba'ir al-Lisan, c'est-à-dire les chapitres qui parlent au sujet des grands péchés qui sont faits par la langue. Et le titre du chapitre d'aujourd'hui, c'est Bab al-Tahdhir min Sharr al-Lisan. Bab al-Tahdhir min Sharr al-Lisan. C'est-à-dire l'avertissement contre le mal qui peut provenir de la langue. Et le livre est divisé de cette manière: les grands péchés du cœur, les grands péchés de la langue et les grands péchés du corps. Naam. Et donc, les grands péchés du cœur, on les a vus au début. Et le premier, c'est le shirk. Et bien entendu, le shirk, il peut être fait avec le cœur, il peut être fait avec la langue, il peut être fait avec le corps aussi. Donc, il y a certains grands péchés qui rentrent dans toutes les différentes catégories. Et il y en a d'autres qui sont spécifiques. Et on voit ici maintenant, aujourd'hui, le danger de la langue. La langue, c'est un organe dans le corps. Quand on parle de la langue, en réalité, on parle de la parole. On parle de la parole. Et c'est peut-être quelque chose qui semble très insignifiant ou petit dans le corps humain, mais c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal. Hein? Si on ne fait pas attention, la langue peut causer parfois beaucoup plus de mal que les poings ou les autres parties du corps. Et donc il faut vraiment faire attention à la langue, et on va voir aujourd'hui, avec les versets qui sont mentionnés par le cheikh ainsi que les hadiths, le danger qui peut provenir de la langue et les grands péchés qui peuvent être faits avec la langue. Le cheikh, il dit en premier, il commence avec un verset qui est le verset 63 dans Sourate Al-Furqan. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa qawlullahi ta'ala وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. C'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, hein, disent salam. C'est-à-dire, les ignorants, les gens faibles d'esprit, lorsqu'ils s'adressent à eux en disant des bêtises ou des mauvaises paroles ou des insultes ou des choses qui sont pas bonnes de façon générale, eh bien eux, ils répondent pas à ces mauvaises paroles là par des mauvaises paroles eux aussi. Ils s'écartent d'eux et ils préfèrent dire paix, hein, salam, en voulant dire je m'éloigne, je m'écarte de ce genre de personnes qui ont des mauvaises paroles. Et ça, on va l'expliquer plus en détail dans les propos de Cheikh Al-Fawzan, Inch'Allah, lorsqu'il l'explique. Naam. Donc, le Cheikh dit, « Wa min sifat, ibad, min sifat ibadillah, at-tawadu'. Wa humu alladhina wasafahum Allahu biqawlihi, yamshuna ala al-ardi hawna. Ay, bisakinatin wa waqar, hakim. » Pendant le dars, mets ton téléphone de côté. Ok. Puis aussi éteins la sonnerie pour qu'on n'entende pas le sifflet à chaque fois. Hein? Barakallahu fik. Donc, يعني, le cheikh il dit, هم الذين وصفهم الله بقوله يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار دون تكبر ولا تبختر وإنما يمشون مشية المتواضع. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques des serviteurs d'Allah, c'est التواضع, c'est-à-dire l'humilité. Ils sont humbles. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits en disant يمشون على الأرض هونا, c'est-à-dire ils marchent de façon humble sur la terre, c'est-à-dire avec tranquillité, de manière posée, sans arrogance, sans orgueil. Ils marchent de la façon dont marchent les gens modestes, les gens humbles. Il dit وقال تعالى على لسان لقمان وهو ينصح ابنه واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى واصفا حال المؤمنين في هذا المقام وإذا خاطبهم الجاهلون. المراد بالجاهلون هنا الجاهلون في الكلام, فالجهل عدم العلم والجهل عدم الحلم, والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلم. فهم إذا جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم بل يتركونهم. وقالوا سلاما أي سلام متارك أي يقولون سلاما أي كلام فيه سلامة لهم من الإثم, ولا يقابلون كلام الأحمق ولا يردون عليه بالمثل. وهذا من صفات عباد الرحمن. وصفهم في آية أخرى فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Donc le cheikh il mentionne ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la parole de Luqman quand il donne le conseil à son fils. Il cite les propos que Luqman a cités yani à son fils. C'est dans le verset 19 dans sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie sois modeste dans ta démarche. Encore une fois on mentionne la démarche modeste, hein, humble. Et baisse ta voix. Parce que la plus détestée des voix, c'est celle des ânes. Hein? Vous avez jamais entendu un âne, hein, quand il crie? Donc c'est vraiment détestable. Eh ben, il ne faut pas crier, ça veut dire il ne faut pas lever la voix, hausser la voix, crier tout le temps. Ça, c'est les caractéristiques qui sont détestables, qui sont mauvaises. Et ensuite, le cheikh il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'état des mu'minines, des croyants. Lorsque s'adresse à eux les gens, les faibles d'esprit ou les gens insolents, hein, les gens, les mauvaises personnes, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne par le terme al-jahiloun. Al-jahiloun, ça vient du mot jahl, et le jahl ça veut dire l'ignorance, hein, mais ça veut pas seulement dire l'ignorance. Al-jahl ça veut aussi dire ça veut dire pas seulement l'absence de connaissance, mais aussi l'absence de d'avoir une certaine indulgence, clémence, tolérance. C'est le mot hilm en arabe. Donc le fait de pas avoir l'attitude de quelqu'un qui est en paix et posé et calme et une personne qui réfléchit avant de parler, hein, ça c'est al-hilm. Donc la personne qui n'a pas cette attitude-là, on peut dire d'elle qu'elle est jahil, hein, qu'elle est ignorance, qu'elle fait partie des gens qui ont de l'ignorance en eux. Et ici le cheikh il explique que lorsque les faibles d'esprit, hein, et les gens insolents s'adressent aux croyants, aux serviteurs d'Allah, eh bien eux ils répondent pas. Ils leur répondent pas, ils les ignorent, hein. Ils agissent avec eux comme si ils avaient rien dit, hein. Ils donnent pas d'importance. Et il dit qalu salama, c'est-à-dire salaman, yani salam dans le sens que il les délaisse. Salam dans le sens que il ne leur porte pas d'importance, et en même temps, il leur répond d'une manière dans laquelle il n'y a pas de péché dedans. Ils vont pas remettre la stupidité ou l'idiotie de l'idiot ou de la personne qui est idiote, ils ne vont pas lui répondre avec une parole qui est pareille à celle qu'il a reçue de leur part. Hein? Il ne va pas leur remettre la même chose que ce que ces gens-là leur ont dit. Au contraire, ils répondent d'une manière qui montre qu'ils les laissent. Hein? Ils veulent pas rentrer dans le même attitude qu'eux, le même comportement qu'eux. Donc si tu vois quelqu'un, par exemple, dans la rue, il t'insulte ou il dit des paroles d'ignorance ou de stupidité, eh bien, tu l'ignores. Hein? Tu continues ton chemin. Comme ça, la personne ne peut pas rien faire, elle ne peut rien dire. Par contre, si tu lui réponds par la même chose, bien là, Annie, lui, va te répondre encore, et toi, tu vas lui répondre, et après, ça risque de tourner en bagarre, ou même pire que ça encore. Donc, des fois, Annie, une grave histoire, ça a commencé par une chose vraiment simple au début, puis ça dégénère. Donc, le Cheikh, il dit, « وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ » C'est ça les caractéristiques des serviteurs d'Allah, le Très-Haut, le Très-Miséricordieux, c'est que ils ne répondent pas le mal de quelqu'un lorsque quelqu'un de faible d'esprit ou d'idiot leur adresse la parole. Et le Cheikh il dit, وَوَصَفَهُمْ فِي آيَةٍ أُخْرَى Allah subhanahu wa ta'ala les a également décrits dans une autre surah, surah Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala parle des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leurs caractéristiques dans surah Al-Qasas. Et dans cette surah, il décrit un peu des choses semblables. Le verset 55, il décrit leurs caractéristiques. Il dit, et quand ils entendent des futilités, les serviteurs d'Allah, quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Ils s'en détournent. Et ils disent, à nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. Nous ne recherchons pas les ignorants. Donc ça, dans ces versets-là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de choses à gagner. Si on comprend ces versets-là comme il faut et on les met en application, on peut s'épargner et s'éloigner de beaucoup de mal. Surtout à notre époque maintenant, avec le fait que beaucoup de gens ont une mauvaise image de l'islam, mauvaise idée de l'islam, surtout parmi les non-musulmans, on va voir parfois que certains d'entre eux vont dire des insultes dans la rue, et quand on marche, ils crient des injures ou des insultes ou des futilités, ou toutes sortes de mauvaises paroles, et même parfois de la part de certaines personnes qui sont... peut-être faible de foi ou des choses comme ça, ils vont dire des choses comme ça pour se moquer des croyants. Le mieux c'est de se détourner et d'ignorer ces gens-là. Surtout comment parfois ils sont des gens qui aiment se moquer, c'est des moqueurs. Donc il ne faut pas rentrer dans leur moquerie et se mettre en colère puis commencer à répondre comme eux, parce que sinon ça tourne mal. Le Cheikh il cite ensuite deux autres versets. Il dit, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Il dit, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. En parlant des mu'minines, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne prononce pas une parole excepté qu'il y a auprès de lui, près de lui, un scribe. Attentif à ce qu'il dit, qui est prêt à écrire chaque parole qu'il prononce. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant, يعني قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وهذا في وصف المؤمنين من أهل الكتاب وهذه صفة الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني دليل على أن الكلام الذي يصدر كله يسجل الكلام الطيب يسجله ملك الحسنات والكلام السيء يسجله ملك السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات وهذان هما الحفظة. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين يعني يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم ويسجلون حسناتكم وسيئاتكم ومنها الألفاظ التي تتلفظ بها. Donc le cheikh il explique ici que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 55 dans Sourate Al-Qasas, il dit « Et lorsqu'ils entendent la futilité, ils s'en détournent. » Ça, c'est la description des croyants parmi les gens du livre et aussi une description parmi les croyants de ceux qui ont cru en le Coran et qui ont cru en le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 47 dans Sourate Al-Ankabut, « Ceux à qui nous avons donné le livre auparavant, الذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. Donc ici il parle de ceux qui ont cru en le livre dans Sourate Al-Ankabut. Donc on va lire la façon dont le verset a été traduit pour avoir une meilleure traduction de ce verset. C'est le verset 47. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, yani, quand on dit ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui possèdent la Torah, ceux à qui le livre a été donné, c'est ceux qui possèdent la Torah et l'Évangile, qui sont devenus musulmans. Et parmi ceux-ci, c'est-à-dire parmi les Arabes, ceux qui ne sont pas juifs, il y en a qui y croient. Naam. Donc c'est ça l'explication du verset. Et ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 18 dans Sourate Qaf. Le verset 18 dans Sourate Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne yani que chaque parole que tu prononces, yani, il y a un observateur qui est prêt à l'écrire et à l'enregistrer. Donc ça c'est une preuve que la parole que tu dis elle est enregistrée. Hein? C'est comme par exemple aujourd'hui des fois on enregistre la parole, hein? On enregistre la parole des gens pour yani, avoir comme une référence ou quelque chose qui reste comme preuve. Hein? Parfois lorsqu'on veut avoir yani, des preuves par rapport à quelque chose ou des références par rapport à quelque chose, on enregistre la parole de qu'est-ce qui est dit. Et dans toutes les réunions ou les choses que les gens disent des paroles importantes, les gens enregistrent les propos qui ont été mentionnés par chaque personne. Ça c'est dans la vie d'ici-bas. Mais au-dessus de ça, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui enregistre chacune de nos propos, chacun de nos paroles par les anges qu'il a envoyé pour justement cette tâche-là et ce travail-là. Et donc le cheikh il explique qu'il y a un ange qui est en train d'écrire les bonnes œuvres, les bonnes paroles qu'on fait, qu'on mentionne, et il y a un ange qui enregistre les péchés et les choses mauvaises. Et donc chaque propos qu'on mentionne, chaque chose qu'on dit, c'est enregistré. Soit par l'ange qui enregistre les bonnes choses, ou bien l'ange qui enregistre les mauvaises. Et ces deux, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ces deux anges sont al-hafaza, c'est-à-dire les scribes qui préservent et qui enregistrent les paroles qu'on dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Infitar, de verset 10 et 11, et vous avez sur vous des gardiens. Il y en a des anges qui écrivent, hein, qui sont des scribes nobles, des nobles scribes. Donc, hafizin, c'est-à-dire ils enregistrent vos œuvres et vos paroles. Ils enregistrent les bonnes et les mauvaises. Et parmi ces choses-là, tout ce que vous dites, tout ce que vous prononcez est enregistré. Il dit « وَإِنْ كَانَتْ أَلْفَاظًا طَيِّبًا كَذِكْرِ اللَّهِ كُتِبَتْ مَعَ حَسَنَاتِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَلْفَاظًا سَيِّئَةً كالغيبة والنميمة والسباب كتبت مع سيئاتك فاحذر من كبائر اللسان لأنها تسجل عليك. Donc le cheikh il dit, si tu dis des bonnes paroles, comme par exemple tu fais le rappel d'Allah, ça va être écrit avec tes bonnes œuvres. Mais si tu dis des mauvaises paroles, par exemple tu parles dans le dos des gens, tu fais du colportage, des rumeurs, tu transmets des mensonges ou des informations sur les gens, tu insultes les gens ou des choses comme ça, ça va être écrit parmi tes péchés. Alors fais attention aux grands péchés de la langue parce qu'elles sont enregistrées, elles sont écrites. Et donc ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu dis et à ta langue. Hein, préserve ta langue. Le cheikh il mentionne maintenant des hadiths à ce sujet. Donc l'imam cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ça c'est un hadith très important. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou il se taise. Ça, c'est un hadith qui est simple et clair, hein, facile à appliquer, inshallah. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose à dire, réfléchis avant de parler. Si tu vois que qu'est-ce que tu veux dire, c'est bon, dis-le. Si tu vois que qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas bon, alors tais-toi, hein. Garde ta langue. Retiens ta langue, hein. Et le cheikh il explique ça, il cheikh Al-Fawzan il dit: "هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل فليقل خيرا أو ليصمت يعني لا يتكلم إلا بخير ويفكر فيما يريد أن يتكلم به فإن كان الكلام خيرا تكلم به وإن كان شرا سكت فالكلمة إما لك وإما عليك وما من شيء أحق بطول حسب من اللسان فالسكوت سلامة كما قالوا في المثل يعني رب كلمة يقولها المرء تورد صاحبها الموارد ورب كلمة تقول لقائلها دعني." Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne ici un conseil important. Il dit, yani celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire celui qui a la foi complète et parfaite, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire, tu ne dis que du bien. Si tu veux dire du bien, parle. Si tu veux dire quelque chose qui n'est pas bien, yani tais-toi. Tais-toi. Parce que la parole que tu vas dire, elle va être soit pour ou contre toi. Et il n'y a rien qui mérite plus d'être retenu que la langue. Et le fait d'être silencieux, de se taire, c'est une... Le fait d'être silencieux, c'est une sécurité pour toi. C'est une tranquillité. Ici, Hassan. Le fait d'être silencieux et de se taire, de retenir ta langue, eh bien, t'es en paix, t'es en sécurité lorsque tu fais ça. Le cheikh, il mentionne, il dit, il y a un exemple, en tout cas, il y a un genre de proverbe, là, que les gens mentionnent. Il dit, رب كلمة يقولها المرء وتورد بصاحبها الموارد ورب كلمة تقول لقائلها دعني. Bon, je ne veux pas m'aventurer dans la tentative de traduire ça. On le laissera pour une autre fois, Inch'Allah. Si tu peux le traduire, vas-y. Il dit, voilà, huma, an Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhuma, marfou'an, man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi, adman lahu al-jannah. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith, an Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulallah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa'akhadha bi lisan nafsihi thumma qal, kuffa alayka hadha. Et ça c'est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Le premier hadith, qu'est-ce qu'il signifie? C'est rapporté selon Sahl ibn Sa'd par Al-Bukhari et Muslim, comme on l'a dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qui est entre ses deux mâchoires et qu'est-ce qui est entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Qu'est-ce qui est entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, Et entre ces deux jambes, c'est-à-dire c'est partie intime, c'est partie génitale. Donc s'il préserve ça, de faire le péché avec, il dit je te garantis le paradis. Il dit selon Sufyan ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, j'ai dit ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu crains le plus pour moi? C'est quoi la chose parmi lesquelles tu as peur? Il y en a laquelle d'entre elles tu as le plus peur pour moi? Il y en a que ça me fasse du tort. Et il a pris sa langue. Hein? Il a pris sa langue et il a dit, retiens ça. Hein? Retiens-la. En parlant de sa langue. Et ça, c'est apporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces deux hadiths. Il dit, قَوْلُهُ مَنْ يَضْمَنْ أَيْ يَتَكَلَّفْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ يعني اللسان أي ما بين الفكين الأعلى والأسفل وهو اللسان وما بين رجليه يعني الفرج قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذه من صفات المؤمنين فمن حفظ لسانه وفرجه إلا ما أحله الله له ضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة ما لم يحفظهما فهو متوعد بالنار. Donc le cheikh il dit, celui qui, donc le cheikh il explique le hadith, il dit celui qui me garantit, Hakim, je t'ai demandé tout à l'heure de le laisser de côté s'il te plaît, hein? Fais comme s'il n'existait pas pendant le dars, même moi regarde, j'ai mon téléphone, hein? Mais je me retiens, je ne l'utilise pas pendant le dars, hein? Barakallahu fik. Naam. Donc il dit, celui qui me retient sa langue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, je lui, et également qu'est-ce qu'il a entre ses deux jambes, c'est-à-dire ses parties intimes. Et il mentionne le verset 5 et 6 dans Surat al-Mu'minun, c'est-à-dire, et ceux qui préservent leurs parties intimes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ils retiennent, ils préservent leurs parties intimes, excepté avec leur épouse, ou ce que leurs mains droites possèdent, car ceux-là n'ont pas de blâme. Ceux-là n'ont pas de blâme, puisqu'ils font dans les limites de ce qui est permis. Avec leurs épouses, avec leurs esclaves, ça c'est permis. Mais en dehors de ça, ils sont blâmés. Et donc ça c'est les caractéristiques des croyants. Et celui qui préserve donc sa langue et ses parties intimes, et qu'il l'utilise uniquement dans ce qui est halal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui garantit le paradis. Tandis que celui qui ne les préserve pas, eh bien, il est menacé de l'enfer. Il dit, وَأَمَّا قَوْلُهُ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَهَذَا الصَّحَابِي سُفْيَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا دل هذا على أن اللسان أخطر شيء على الإنسان فعليك أن تحذر من لسانك لأنه سلاح ذو حدين فهو إما أن يقتلك وإما أن تقتل به خصمك فعليك أن تحفظه مثل ما تحفظ السلاح لئلا يقتلك لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتوثق منه وتؤمنه لكي لا يقتلك وهذا لسانك يعني احفظه وأمسكه وإلا أهلكك كما يهلك السلاح صاحبه الذي لا يؤمنه ويحتاط به ولقد كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الأثر حين أخذ بلسان نفسه فإنه أتبع القول بالفعل وكان فيه مزيد بيان Donc le cheikh explique que ensuite il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un sahabi, c'est Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu, et il lui a posé la question, qu'est-ce que tu crains le plus pour moi? Et il lui a répondu, en prenant sa langue, il a dit, retiens ceci. Et il a pris sa langue avec sa main, avec ses doigts. Donc le cheikh il explique, il dit, Ça, c'est la preuve que la langue, c'est une des choses les plus dangereuses pour l'être humain. Et donc, fais attention à ta langue. Garde ta langue. Parce que c'est une lame à deux tranchants. C'est une épée à deux tranchants. Et soit qu'elle te tue, ou bien elle tue ton opposant. Donc, préserve-la comme tu préserves ton arme. Hein? Ou comme un fusil ou une épée. Fais attention quand tu marches avec ça ou tu la manipules. Tu fais attention pour ne pas te tuer toi-même ou te couper toi-même avec. Hein? Parce que sinon, tu risques de te faire mal. Et la langue, c'est la même chose. Préserve-la, garde-la. Sinon, elle va te faire périr comme l'arme. Si tu ne fais pas attention et tu la tiens pas comme il faut, tu risques toi aussi de te faire mal avec. Et le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un grand effet aussi, parce que non seulement il a dit retiens ta langue, mais il l'a tenu lui-même avec sa main, avec ses doigts. Donc c'est pour faire suivre la parole par l'action, pour ajouter encore plus de force à son explication. Et il dit, le cheikh ensuite, il dit وقال الشاعر والشاعر يقول يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل يعني تبرع على مهلي. Ça, c'est encore des poèmes. Il y en a un autre aussi qui est mentionné. يقول الآخر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر مثل قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. نعم. والمثل يقول كم كلمة تقول لصاحبها دعني. Donc c'est ça, c'est des poèmes pour dire, c'est comme des proverbes pour dire aux gens, faites attention à ce que tu dis, parce que tu peux être la victime de ce que tu dis. Tes propos peuvent t'amener à des problèmes, des ennuis. Et il y a des gens même qui ont été tués à cause de leur langue. À cause de leur langue. Et le proverbe de tout à l'heure, à la fin, ça disait, combien de paroles elle dit à celui qui parle, laisse-moi, en voulant dire, il faut pas que tu me laisses sortir, tu vois, laisse-moi pas, prononce-moi pas, ou des choses comme ça. C'est une façon de d'illustrer un peu la situation, la question du danger de la langue. Et les Arabes, ils ont plein de proverbes comme ça, plein de poèmes, plein de proverbes. Parfois, c'est des expressions aussi. Vous savez, les proverbes, c'est pas des choses qui se traduisent mot pour mot. C'est des expressions. C'est comme des proverbes, c'est-à-dire, c'est idiomatique, comme on dit. Ça se traduit pas mot pour mot. C'est des façons de parler. Hein? Dans toutes les langues, il y a des choses comme ça. Et que ce soit en français, en anglais, ou même en créole ou en arabe, bon, des fois, si tu les traduis littéralement, tu ne vas pas trouver que ça fait du sens. Donc, il dit ici, walil asaf akthar nas al-yom laysa lahum hammun illa al-qil wal-qal wal-ghiba wal-namima wal-tajrih bil-nas wal-tafsiq wal-tabdi' wal-takfir bi-ghayr haqq وليس لهم شغل إلا هذا وأخص بذلك طلبة العلم فمنهم من ترك طلب العلم الآن وصار همه ما تقول في فلان وهل يعجبك كلامه أنتم أتباع فلان نحن أتباع فلان. يا إخوان لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيما طالب العلم بل الأصل فيه أن يراقب الله في علمه ويحفظ لسانه ويتجارى مع الناس وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه ولا يلقي له بالا وإذا كنتم تريدون النجاة لأنفسكم فاشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم فالزمان زمان فتنة وخصوصا بعد أن كثرت الشبهات فقد تأتي الفتن باسم الدين وباسم العلم والعلماء احذروا من هذا واشتغلوا بطلب العلم والإقبال على طاعة الله واحذروا من أولئك الذين يصطادون في الماء العكر لأنهم يستخرجون الكلام منكم وينشرونه في الناس فيحمل الكلام على غير محله أو على غير محمله ويقول القائل ما لم يقل لا سيما وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك وأنت لا تدري لأنه خفي يعني لأنه يعني خفي بصحبة من يريد أن يوقعك لأنه خفيه يعني نعم. Donc le cheikh il explique que malheureusement il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'attardent uniquement à qu'est-ce que les gens racontent. Hein, les ragots, de faire parler dans le dos, de colporter les propos des autres et les rumeurs et des choses comme ça, puis aussi de critiquer les gens et de les déclarer, les critiquer, les accuser de perversité, alaykoum salam, les accuser de perversité, d'innovation et de kofor. Et des choses comme ça, de façon injuste. Et il dit que, ils ont rien d'autre à faire ces gens-là que ça. Et il dit, je dis en particulier, les gens qui étudient la science islamique, parfois il y en a parmi eux qui ont abandonné la science aujourd'hui, et la seule chose qu'ils ont comme intérêt ou comme, la seule chose qui leur importe, c'est qu'est-ce que tu dis à propos d'un tel. Ou est-ce que t'aimes cette parole que un tel a dit, vous suivez un tel, nous on suit un tel, et ainsi de suite. Il dit, mes frères, il faut pas que le musulman, il faut pas que le musulman soit comme ça. Et en particulier l'étudiant en sciences. À la base, le musulman, l'étudiant en sciences, il crée Allah subhanahu wa ta'ala dans sa science, et il préserve sa langue. Et c'est ça. Donc, il ne va pas se laisser aller comme ça dans ces propos-là avec les gens. Il entend une parole d'un ignorant et s'en détourne. Il ne lui donne pas d'importance. Donc, si vous voulez être sauvé, et vous voulez le salut pour vous-même, alors préoccupez-vous par la science et préservez vos langues. Parce que nous vivons à une époque qui est une époque de fitna. Il y en a une époque de tests, d'épreuves, de tribulations, de problèmes. En particulier après que les ambiguïtés, les shubuhat se sont multipliées et maintenant la fitna peut même apparaître au nom de la religion, hein, ou au nom de la science et des ulama. Donc faites attention à ça et préoccupez-vous par la quête de la science et de se tourner vers l'obéissance d'Allah. Et prenez garde à ceux qui pêchent dans les eaux troubles. Parce que ils vont essayer de vous faire sortir des propos et ils vont le propager chez les gens. Et on va prendre cette parole puis on va lui donner un sens qu'il n'a pas. Yani on va lui donner un sens que c'est pas le sens qu'il a réellement, mais ils vont vous faire dire ce que vous avez pas dit. Donc le cheikh dit en particulier maintenant avec les appareils d'enregistrement, ils enregistrent ta parole et toi tu sais même pas et ils te font tomber par la suite dans toutes sortes de problèmes. Et donc le cheikh il avertit par rapport à ces choses-là parce que c'est des choses qui peuvent se produire et qui se sont déjà produites et on ne connaît pas le cœur des gens, on ne connaît pas les intentions de tout le monde. Des fois, quelqu'un, ils peuvent nous montrer ou nous donner l'impression qu'il est très sincère, qu'il a que des bonnes intentions. Puis, finalement, c'est quelqu'un qui est mal intentionné, qui veut juste faire de la fitna, puis qui essaie de trouver les moyens pour déformer tes propos et tes paroles et des choses de ce genre, ou te faire dire ce que tu n'as pas dit. Donc, ça, c'est très important de faire attention. Le cheikh, il dit également... Donc aussi en même temps, il faut pas comprendre que le cheikh en même temps il met pas en garde contre le fait d'avertir contre les innovateurs ou les gens qui ont de la bid'a ou des choses comme ça. Ça c'est un autre sujet complètement différent. Hein? Et il y a une exagération dans la façon dont les gens parfois vont se préoccuper de choses qui ne sont pas de leur niveau ou qui ne sont pas de yani de leur yani c'est pas de ça qui devait donner, c'est pas à ça qui devait donner la priorité. Donc ça c'est ça, ça cause des problèmes parfois et ça fait que les gens s'éloignent de qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour eux. En tout cas, le cheikh il dit ensuite wa lahu wa sahahahu an Mu'adh رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلت كأمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Ça c'est rapporté par al-Tirmidhi qui a authentifié le hadith selon Mu'adh, qui est un hadith célèbre dans lequel il dit: ô messager d'Allah, allons-nous être... Parce qu'il a dit, وَكُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. Il a pointé sa langue, il a dit, retiens ta langue. Alors, Mu'adh, radiallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va être pris pour compte pour qu'est-ce qu'on a prononcé, qu'est-ce qu'on a dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, فَقُلَتْ كَأُمُّكَ يَا Mu'adh. C'est une expression là, pour dire, yani, malheur à toi, Mu'adh. Si tu fais pas attention à ta langue, il dit, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber les gens dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez, autre que ce que leur langue a récolté? Donc qu'est-ce que ta langue a récolté? C'est ça qui va te faire tomber en enfer. C'est une des causes pour lesquelles beaucoup de gens vont entrer en enfer à cause de leur langue. Et le cheikh il dit ensuite un autre hadith. Il dit, وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول يعني تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وقوله تكفر اي تظل وتخضع. Donc le cheikh il cite ce hadith qui rapportait yani selon Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam se lève le matin, tous les membres de son corps yani s'humilie hein, se soumet à la langue et les membres disent à la langue: crains Allah par rapport à nous. Hein? Parce que si hein, nous on est uniquement, on va uniquement agir ou être selon ce que toi tu fais. Si tu es droite, nous on sera droit. Et si tu es tordu, nous on va être tordu aussi. Donc c'est comme si les membres du corps, ils font des, ils donnent à la langue des rappels et ils conseillent la langue de faire attention, de ne pas dire n'importe quoi. Et le cheikh il explique donc ce hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi aussi. Il dit, هذا الكلام جاء في سياق, il explique les deux hadiths qu'on a lus, le premier et le deuxième. Il dit, هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله عما يدخله الجنة ويبعده عن النار. فتبين له صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إنه بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب الخير قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا, أي اللسان. فقال: يا رسول الله, وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ. ثقلتك أي فقدتك, وهذا أصله دعاء على الشخص المخاطب بالموت ظاهرا, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا, وإنما هي كلمة يتمثل بها ولا يقصد معناها, وإنما المقصود بها هنا التعجب من الغفلة عن هذا الأمر, مثل ويحك وويلك, يعني فهذه أمور يقولها الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, أي محصوداتها. شبه صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود, وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que Ça, c'est un hadith, le premier hadith, le hadith de Mu'adh. C'est un hadith qui vient d'un hadith plus long. Hein, c'est juste une partie du hadith, mais le hadith, il est plus long. C'est lorsque Mu'adh, radiallahu anhu, était en voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis il lui a demandé, à propos de qu'est-ce qui le fera rentrer au paradis, il va l'éloigner de l'enfer. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a expliqué qu'est-ce que c'est qui va le faire rentrer au paradis, qui va l'éloigner de l'enfer. Puis il a expliqué après les portes du bien, les portes du bien. Et puis il lui a dit, veux-tu que je t'apprenne ce qui va retenir tout ça pour toi, qui va te faire en sorte que tu pourras le garder et que ça va être, toutes ces bonnes œuvres que tu fais vont être préservées. Il a dit oui, certes. Il a dit, retiens-toi ceci. Et il parlait de sa langue. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, retiens ta langue. Et il a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va être pris pour compte pour ce qu'on a prononcé ou ce qu'on a dit avec notre langue, hein? Est-ce que Allah il va nous punir par rapport à ce qu'on dit avec notre langue? Est-ce qu'on va être jugé pour ça ou pris pour compte à cause de ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Mu'adh en disant, فَقُلَتْ كَأُمُّكَ يَا مُعَادْ. Thaqulatka, c'est comme si ça voulait dire que ta mère te perde. Ça, c'est une expression que les Arabes disent. À la base, ça ressemble à un dua que quelqu'un dit pour souhaiter la mort de quelqu'un. Mais le cheikh, il dit, mais c'est pas ça l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, les Arabes parlent comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent des choses parfois pour donner un exemple, mais c'est pas leur objectif ou leur intention, c'est pas la signification de ce qu'ils disent. C'est juste pour montrer l'étonnement du fait que la personne est insouciante de cette réalité-là, en voulant dire malheur à toi, comment tu peux ne pas comprendre ou ne pas réaliser cette chose-là. Par exemple, être insouciant ou indifférent du fait que les paroles que tu dis peuvent t'amener en enfer. Malheur à toi, dans ce sens-là. Mais sans vouloir vraiment le malheur de la personne. C'est juste un exemple, c'est pas la réalité. Et ça on retrouve souvent des paroles comme ça dans les paroles des Arabes. Et on a des exemples ici, un exemple ici de ça. Il dit... Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, et est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez à cause d'autre chose que ce que leur langue ont récolté? Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a mentionné, il a parlé de ce que la langue a dit en l'appelant hasa'id. Hasa'id, ça veut dire les récoltes. Comme si, la langue, elle avait semé quelque chose, puis qu'elle le récolte par la suite. Et ça fait partie de l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour exprimer et illustrer les choses. Donc il dit, كَمَا أَنَّ الْمِنْجَلْ يَقْطَعُ مَا بَيْنَ يَقْطَعُ وَلَا يُمَيِّزْ بَيْنَ الرَّطْبُ الْيَابِسُ وَالْجَيِّدُ وَالرَّدِيُّ فَكَذَلِكَ اللِّسَانِ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا فالإنسان قد يعمل أعمالا خيرة وفضيلة وجليلة ثم يبددها واللسان والسبب لسانه حيث يسب الناس ويغتابهم فيؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة ثم إذا فنيت حسناته حمل من أوزار القوم ثم طرح في النار فلسانه هو الذي جنى عليه وبدد أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره ولمن تذهب لخصمه لمن اغتابه أو لمن اغتابه نعم فلو أنها ذهبت لوالديه أو لمن يحبه لكان الأمر أهون ولكنها تذهب لخصمه فعليك إذا عملت عملا صالحا أن تحافظ عليه والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. Donc on va traduire cette partie. Le Cheikh il dit de la même manière que يعني il dit al-minjal. Je pense que c'est l'instrument qu'on utilise pour couper يعني les récoltes. Hein, c'est ça, al-minjal, oui. Donc c'est ça. L'instrument qu'on utilise pour couper les récoltes, yani, il ne fait pas de distinction entre qu'est-ce qui est sèche, qu'est-ce qui est humide, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il coupe tout. Eh bien, la langue, c'est la même chose. Yani, tout ce qui sort de ta langue, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Et donc l'homme, il va faire des œuvres qui sont parfois des bonnes œuvres. Hein? Mais ces bonnes œuvres-là vont être perdues, vont être perdues. Et la cause de ça, c'est la langue. Parce que il va insulter quelqu'un, il va parler dans son dos, et qu'est-ce qui va arriver à cause de ça? C'est que au jour de la résurrection, les personnes contre qui il a parlé et les personnes qu'il a insultées vont venir se servir au jour de la résurrection dans ses hasanats. C'est-à-dire, ils vont arriver dans les hasanats de la personne, ils vont venir se prendre de ces hasanats pour réparer l'injustice qui leur a été faite. Vous comprenez cet exemple, hein? Tu comprends, hein, Hakim, hein? Tes hasanats qui vont être là, si quelqu'un n'est pas content, tu lui as fait une injustice, il vient, il prend dedans. À cause de qu'est-ce que tu as dit, si tu as dit quelque chose contre lui, tu as parlé dans son dos, il va venir se servir dedans. Et qu'est-ce qui va arriver si tu n'as plus de hasanat? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus venir prendre de tes hasanat si tu n'en as plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de ses péchés, il va venir le mettre dans ta balance à toi pour se débarrasser, puis toi en même temps tu prends de ses péchés à lui parce que tu n'as plus de hasanat pour réparer l'injustice que tu as faite. Donc au lieu de prendre de tes hasanat, puisque tu n'en as plus, maintenant lui il va se débarrasser de ses péchés, il va les mettre dans ta balance à toi pour réparer l'injustice. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait comme bonheur, tout ça c'est perdu. Pourquoi? Parce que avec ta langue, tu les as gaspillés, tu les as gâchés. Et donc, il faut dans ce cas-là que tu préserves ta langue. Et en plus, tes bonnes œuvres, elles vont pas aller à ta famille, à tes parents ou à des gens que tu aimes. Ils vont aller à des gens que tu opposes, des gens que tu aimes pas, hein, tes opposants, hein, tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu parlais contre eux. Donc fais attention à ça. Yani subhanallah. Et donc yani le cheikh il donne par la suite des exemples. Il dit donc fais attention lorsque tu fais des bonnes œuvres de faire en sorte qu'elles restent. Qu'elles restent pour toi, qu'elles ne vont pas être données à d'autres, en préservant ta langue. Et le Cheikh il cite le verset 33 dans Surat Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vos œuvres vaines. Ne rendez pas vos œuvres vaines. Il dit: فَإِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا صَالِحًا حَفِظْ عَلَيْهِ أَكْثَرْ مِمَّا تُحَفِظْ عَلَى الدراهم وإذا كانت لديك دراهم تخاف عليها أن تسرق وتذهب أو تذهب أو تخاف أن تتلف فأعمالك أولى أن تحافظ عليها فإذا كان المرء يشتري خزانة لحفظ مقتنياته فلماذا لا يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته. Subhanallah. Le Cheikh il explique que si tu fais des bonnes œuvres, tu dois les préserver plus que tu veux préserver même ton argent. Il dit quand tu as de l'argent, tu as peur de te les faire voler, tu as peur que ton argent s'en aille, tu as peur que ton argent soit par exemple brûlé ou gaspillé ou perdu. Eh bien, tu devrais faire encore plus attention pour préserver tes bonnes œuvres. Et quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter un coffre-fort pour les mettre à l'intérieur, pour être certain que personne ne va les voler, personne ne va les brûler, personne ne va les perdre. Alors tu devrais aussi essayer de trouver un coffre-fort pour préserver tes bonnes œuvres aussi, tes bonnes actions. C'est vrai, parce que lorsque tu fais des bonnes œuvres, tu te dis dans ta tête, Alhamdulillah, j'ai fait tant de bonnes œuvres. Maintenant, ça y est, ces bonnes œuvres-là sont mises de côté pour moi, pour mon jugement dernier. Quand je vais être devant Allah, j'aurai ça. Walaykum salam wa rahmatullah. Mais par contre, si tu fais des actions par la suite, ou si tu parles contre des gens, tu risques aussi de t'en faire perdre. C'est pas quelque chose qui est garanti. Si tu fais pas attention, tu peux perdre tes bonnes actions que tu as faites déjà. Donc, le cheikh, il dit, fais-toi un coffre-fort, comme tu l'as fait pour ton argent, fais-le pour tes biens. Et ce coffre-fort, c'est quoi? C'est de garder ta langue. Garder ta langue, préserver ta langue. Il dit, وَأَمَّا قَوْلُهُ الْأَعْضَى كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ أي تتذلل وتخضع للسان. فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعة للسان كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني إلى دي. فالقلب هو ملك الأعضاء فإن طاب طابت أي تخضع له وتنقاد لأنه ملك ملكها تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك وإن استقمنا وإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمع صوتها في الدنيا وإلا أنها يوم القيامة تتكلم بكلام مسموع. قال الله سبحانه يصور ذلك حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآخرة تشهد الأيدي والأرجل على الأعضاء وتحاورها وفي الحياة الدنيا تتكلم وتخاطب القلب وأنت لا تشعر وكل سباح أو صباح تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك إلى آخر ما جاء في الحديث. Donc le cheikh dit en ce qui concerne l'autre hadith quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les membres eh bien, ils s'humilient tous, ou bien sont tous soumis à la langue. Les membres du corps sont soumis à la langue. Il dit ici que ça signifie que les membres suivent la langue. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du cœur aussi, il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais ou corrompu, le reste du corps sera corrompu. Et ça, c'est le cœur. Il dit parce que le cœur, il est le roi du corps. Il est le roi du corps. Et s'il est bon, le reste est bon. Et donc, le cheikh, il dit, le reste du corps va se soumettre et va obéir. Parce qu'il est le roi. Et il dit donc, le corps, les autres membres du corps disent au cœur, ou bien à la langue, crée Allah par rapport à nous. Parce que nous, on va être jugés par rapport à toi. Et c'est par toi qu'on va y aller être jugé. Donc si tu es droite, nous on sera droit. Si tu es croche, nous on va être croche. Et ça c'est une parole de celui qui ne parle pas selon la passion, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que dans ce hadith il y a le fait que les membres du corps parlent aussi. Et dans cette vie d'ici-bas, on ne peut pas les entendre. C'est-à-dire on ne peut pas entendre notre corps, les membres, la main, les pieds, les bras, les jambes, qui parlent, on les entend pas. Mais au jour de la résurrection, ils vont parler avec une parole qui sera audible et qu'on pourra entendre. Et il mentionne à ce sujet, yani, les versets dans Surat Fussilat, les versets 20 à 21. Yani, les versets 20 à 21 dans Surat Fussilat, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Donc c'est ça. Le verset, ça dit, alors quand ils seront, le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, c'est-à-dire les oreilles, qu'est-ce qu'ils entendent, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux, de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, c'est-à-dire les gens vont parler à leur peau, hein, ils s'adressent à leur peau, qui vient de témoigner contre eux, ils vont dire, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Hein? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, et c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez pas vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni votre peau ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Naam. Donc ça c'est l'exemple. Et il y a aussi dans Sourate Yassine un verset aussi qui indique que les membres du corps vont parler. C'est le verset 65 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ce jour-là. Nous scellerons leurs bouches. Donc les bouches vont être scellées. Personne ne pourra parler avec sa bouche. Hein? Et tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Subhanallah. Hein? Donc ça c'est un exemple de ce qui va arriver au jour de la résurrection. Et donc les gens iront dans l'au-delà, les mains, les jambes et les membres du corps vont discuter et débattre, hein, argumenter, hein, et témoigner. Et donc dans la vie d'ici-bas, il parle, hein, au cœur, il s'adresse au cœur, mais on l'entend pas, on réalise pas. Mais yani, ils disent, chaque matin, ils disent, crée Allah. Chaque fois que tu te lèves le matin, tes membres, ils parlent à ton cœur, ils parlent à ta langue. Fais attention, crée Allah. Hein, pour pas que, yani, parce que tout ce qui arrive au corps, c'est à cause de la langue et à cause du cœur. Et le cheikh il dit ensuite, وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يكون يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. Donc le cheikh il mentionne ici trois hadiths. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ici trois hadiths. Le premier, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il mentionne que le serviteur, il peut dire une parole, yani qui voit pas clairement, yani qu'est-ce qui va y arriver par rapport à cette parole-là, mais à cause de celle-ci, il glisse dans l'enfer, ou il tombe dans l'enfer, yani plus loin que la distance entre l'Orient et l'Occident. Et une autre version de ce hadith rapportée par At-Tirmidhi dans son Jami', de même que le même a été rapporté également par Al-Bukhari selon Abi Huraira, mais cette version de l'imam At-Tirmidhi, elle est rapportée selon Bilal ibn al-Harith, ou Bil-Nam. Il dit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme dit une parole de l'agrément d'Allah. Il ne pensait pas que cette parole allait atteindre ce qu'il a atteint comme grandeur. Et Allah va écrire pour lui son agrément pour cette parole jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Et l'homme va aussi dire, peut aussi dire une parole qui ramène la colère d'Allah. Il ne pensait pas que ça allait atteindre ce niveau, hein, d'atteindre ce que cette parole a atteint, yani dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit cette colère, yani jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il le rencontre. C'est pour dire que tu peux dire parfois une parole, yani tu penses que c'est une parole insignifiante, tu penses pas que c'est une parole grave, et tu provoques par cette parole la colère d'Allah. Tandis que tu peux dire une parole, yani qui te semble insignifiante, mais qui est bonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi à cause de cette parole, et tu ne sais pas, yani, qu'est-ce qu'il peut te donner comme agrément à cause de ça. Et il y a une autre version de ce hadith qui est rapportée selon l'imam muslim, qui est rapporté selon Jundub ibn Abdullah marfou'an, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un homme au jour de la résurrection, en fait c'est pas au jour de la résurrection, c'est un homme qui a dit à propos d'un autre, un autre homme qui faisait des péchés, il dit par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Et cette histoire elle est mentionnée dans un autre hadith, c'est un hadith qui est mentionné dans Kitab al-Tawhid. C'est un homme qui faisait beaucoup d'adoration, qui était avec un homme qui faisait des péchés. Et l'homme qui faisait beaucoup d'adoration, à chaque fois qu'il voyait l'homme qui faisait des péchés, il lui disait, cesse de faire le péché, cesse de faire le péché. Et l'autre, il lui disait, laisse-moi entre moi et mon Seigneur. Alors, un jour, il l'a vu en train de faire le péché encore une fois, et l'homme lui a dit, cesse de faire le péché. Il lui a dit, laisse-moi, entre moi et mon Seigneur. Et l'homme lui a répondu, par Allah, je jure que Allah ne va jamais te pardonner. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cet homme, au jour de la résurrection, qui fait des serments sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel? C'est-à-dire, qui jure par moi que je ne vais pas pardonner à un tel ou un tel? Et il lui a dit, à toi, j'ai pardonné ton péché. Et à toi, il a dit, yani, j'ai annulé toutes tes œuvres. Et il l'a fait rentrer en enfer. Donc, pour dire que parfois, à cause d'une parole, yani, tu peux effacer et annuler tout le bien et toutes les bonnes choses que tu as pu, yani, que tu as pu faire ou dire. Yani, faut, le danger, donc ça montre le danger de la langue. Il dit, وَرُوِيَ أَنَّ الْقَائِلْ رَجُلٌ عَادِدٌ وقال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه آخرته. C'est-à-dire, on dit que la personne qui a mentionné cette parole, c'est yani, un adorateur, quelqu'un qui faisait beaucoup d'ibad, qui était pieux. Et Abu Huraira, il a dit une parole qui lui a fait perdre son, yani, qui lui a fait perdre sa dunya et son au-delà. أوبقت دنياه آخرته. Donc, à cause d'une seule parole, il a perdu tout de sa dunya et de l'au-delà. Yani, fais attention, yani, à ce que tu dis avec ta langue, tu ne réalises pas yani, le mal. Et combien de gens sont tombés dans le kufr et dans le shirk à cause des paroles, hein? Et les mensonges à propos d'Allah, hein? Al-kadhib al-Allah, al-kalam al-Allah bi-ghayri ilm. Le fait de parler à propos d'Allah sans science et de mentir à propos d'Allah, de mentir à propos du messager, de mentir à propos de la religion, de mentir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est yani, des exemples de péchés que les gens font avec la langue et qui ont causé beaucoup d'hommes dans l'humanité à tomber dans le shirk, à tomber dans l'égarement, à tomber dans le kufr, à cause de ça. Donc ça nous montre le danger de la langue. La langue, c'est pas quelque chose de petit. C'est pas quelque chose d'insignifiant. Le cheikh il explique les hadiths qu'on a lus, et ça c'est les derniers hadiths dans ce chapitre, donc on va lire l'explication puis on va s'arrêter après. Le cheikh il dit wa hadhihi al hadith kulluha fi mawdu'i al kalimatu at-tayyiba wal kalimatu as-sayyi'a. Qala jalla wa ala: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kull hinin bi idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والكلام الطيب يصعد الله يصعد لله إذا كان معه عمل صالح وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه لأن القول لا يكفي دون العمل. Donc le cheikh il explique maintenant que les hadiths qu'on a lus maintenant sont à propos de la bonne et de la mauvaise parole. Et il cite des versets dans le Coran qui mentionne cette signification-là aussi, c'est les versets 24 à 26 dans Surat Ibrahim, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « N'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole, en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et sa ramure s'élance dans le ciel ?» Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Donc ça c'est les mentions ici qui sont données à propos de la bonne parole et de la mauvaise parole. Et il dit ensuite la mention du verset dans Surat Fatir. Le verset 10 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les bonnes œuvres elles sont élevées, la bonne parole est élevée par la bonne action. Il dit quiconque veut, il mentionne la parole qui dit ce qui signifie quiconque veut la puissance qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Les ulama de tafsir ont expliqué ce verset en disant que, comme dans le verset c'est écrit, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. Donc ça veut dire que, il dit, والكلام الطيب يصعد لله إذا كان معه عمل صالح. Donc il dit que la bonne parole elle est élevée auprès d'Allah par la bonne action, et que s'il n'y a pas de bonne action qui vient avec la parole, elle ne monte pas à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que par elle seule la parole ne peut pas être élevée, il faut qu'elle soit accompagnée d'action. Naam. Donc ça c'est pour l'explication du verset 10 dans Surat Fatir. Le Cheikh il dit: وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يكتب الله رضوانه لصاحبها إلى يوم يلقاه، والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على صاحبها إلى يوم يلقاه، وأن الكلمة الطيبة يرفع الله بها العبد درجات، والكلمة السيئة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Donc il mentionne, qu'est-ce qui est mentionné dans ces hadiths-là, que si tu dis une bonne parole, eh bien la personne qui dit la bonne parole, elle a l'agrément d'Allah jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah. Et s'il dit une mauvaise parole, eh bien Allah va lui écrire la colère, sa colère, jusqu'au jour où il va le rencontrer. Et la bonne parole, elle est élevée, hein, et elle va élever la personne qui l'a prononcée en degré. Et la mauvaise parole, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dit la mauvaise parole, il va le faire tomber, le faire descendre plus loin et plus profondément que la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Il dit وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام وأن الكلام الذي ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. Donc il dit que les hadiths ici parlent du danger de la parole, et que de parler, de dire que ce qui n'est pas bon, c'est mieux de se taire dans ce cas-là. C'est mieux que de le prononcer. Il dit: وَأَمَّا آخِرْ حَدِيثْ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَأَنَّ أَحَدُهُمَا يُذْنِبْ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لي هذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وهذه سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله عز وجل بأن يحلف بأن الله لن يغفر لهذا المذنب ذنبه وهذا لا يجوز لا يجوز لك أن تحجر على الله عز وجل وتحلف بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي كقول القائل في هذا الحديث والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك لأن هذا الرجل يعني يائس من رحمة الله وقنط الناس منها بل إنه أساء الأدب مع الله بقوله هذا ماذا يعني ماذا كان عاقبة قوله يقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرته فكيف بمن يطلق العنان للسان donc le cheikh il dit et le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre c'est un hadith rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait il y avait deux hommes parmi les Bani Israël qui étaient des frères hein? Et ces deux hommes un d'entre eux était un pécheur et l'autre était quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration et chaque fois celui qui faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration voyait l'autre en train de faire le péché il lui disait cesse de faire le péché et il le voyait un autre jour encore une fois il lui disait hein, cesse de faire le péché Et l'autre lui a répondu, laisse-moi et mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Alors l'autre, il a dit, par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Hein, il dit, je jure par Allah que Allah ne va pas te pardonner. Il ne va pas te faire rentrer au paradis. Alors Allah a pris les âmes des deux. Et ils ont été réunis devant le Seigneur des mondes. Alors il a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration, est-ce que tu avais la connaissance est-ce que tu avais de la connaissance à mon sujet que j'allais pas pardonner un tel ou un tel? Est-ce que c'est toi qui a la décision? Hein, c'est toi qui yani sais le pouvoir que j'ai dans ma main, c'est toi qui décide. Alors il a dit à celui qui faisait des péchés, va et rentre au paradis par ma miséricorde. Et il a dit à l'autre qui faisait des efforts dans l'adoration, prenez-le et amenez-le à l'enfer. Abu Huraira a dit par celui qui tient mon âme en sa main. Cet homme a dit une parole qui lui a fait perdre sa dunya et son au-delà. Parce qu'il a eu une mauvaise pensée à propos d'Allah et une mauvaise manière, mauvaise façon de s'adresser à propos d'Allah. Du fait qu'il a juré que Allah n'allait pas pardonner à un pécheur qui fait un péché, il n'allait pas lui pardonner son péché. Et ça, c'est pas permis. Il n'a pas le droit de limiter à Allah subhanahu wa ta'ala ou restreindre Allah dans sa miséricorde et dans son pardon pour les pécheurs. Hein? Parce que tu peux pas jurer que Allah va pas pardonner à celui qui a fait un péché, hein? Et il dit, c'est comme c'est mentionné dans l'autre hadith qu'on a lu, qu'il a dit, par Allah, Allah va pas pardonner à un tel. Et Allah a dit au jour de la résurrection, qui s'élève au-dessus de moi, que je ne vais pas pardonner, qui jure sur moi et fait un serment sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Il dit, parce que l'homme en question, il a perdu, hein, il a perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah et il fait perdre aux autres l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et en plus, il a eu une mauvaise façon, un manque de respect, une mauvaise manière dans la façon de parler d'Allah hein, en jurant que Allah ne va pas pardonner à un tel. Et donc, quelle a été sa conclusion? Et la conclusion de qu'est-ce qu'il a dit? Abu Huraira a dit, il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa dunya et son au-delà. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc une seule parole que tu dis qui peut te faire perdre hein, ta dunya et ton au-delà. Alors que dire de la personne qui ne fait que laisser sa langue yani, aller toute la journée sans arrêt yani, il risque de dire encore plus de paroles dangereuses comme ça. Et il y en a qui parlent de la religion d'Allah, qui parlent de l'islam, qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune réserve, et qui disent des choses sans aucune connaissance, et qui font des jugements et des verdicts, et qui parlent des gens sans aucune science. Ils n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas peur de dire des choses à propos de l'islam sans connaissance. Et ça, c'est très très grave, et ils ne réalisent pas. Le Cheikh dit فعلى المسلم أن يفطن لذلك لأنه قد يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ولكنه قد يهمل أو يهمل لسانه فيتركه يحصد فيها ويعني مثل الذي يزرع ويترك الحصاد يحصد يعني في زرعه فلا يبقي له شيئا يعني فهذا اللسان حصاد يعني يصحد أعمالك إذا تكلمت فيما لا يرضي الله فعليك بإمساكه وعقله والتأكد من ضبطه لأن استقامة اللسان من خصال الإيمان فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يعني والكلام وإن لم يكن فيه مضرة لأحد وكان مجرد ثرثرة وضحك فإن فيه خسارة عليك لأنه يضيع عليك الوقت وأما إذا كان الكلام محرما فهذا ضرره واضح لأنه يعود عليك بالإثم والعقوبة فعليك بإمساك لسانك لأن الله يحصي عليك أقوالك وأفعالك حتى يعني خطرات قلبك ونياتك. Donc le cheikh il termine ce chapitre en disant que le musulman donc il doit être intelligent et réfléchir à ça et faire des efforts pour préserver sa langue parce que sinon même s'il a fait des bonnes œuvres hein, s'il néglige sa langue il risque de perdre tout ce qu'il a récolté parce que la langue c'est comme ça hein, elle vient et elle coupe tout yani, elle prend tout. Tout ce que tu as semé, elle vient, elle le récolte. Et donc, si tu dis des paroles qui n'amènent pas l'agrément d'Allah, eh bien, yani, tu risques de tout perdre. Alors, retiens ta langue, hein, et garde ta langue, et sache que si ta langue elle est droite, eh bien, ça fait partie des caractéristiques de la foi. Et c'est mentionné selon Anas radiallahu anhu par l'imam Ahmed dans la Musnad. Il a cité ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi du serviteur ne sera pas droite, tant que son cœur ne sera pas droit. Et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite. Et donc la parole, même si yani, il n'y a pas un mal dans ce que tu dis pour quiconque, mais juste le fait de yani, battre ta langue et de commencer à yani, faire rire les gens ou de dire des blagues, yani, il y a une perte de temps pour toi là-dedans. Il y a une perte de temps pour toi là-dedans. Et donc, même donc, il dit, si la parole est haram en elle-même, donc ça c'est clair qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans contre toi, quelque chose de néfaste. Toutefois, yani, si c'est des paroles inutiles, ça ne sert à rien aussi. Tandis que si c'est des paroles haram, eh bien, yani, le péché il retombe contre toi. Donc, préserve ta langue. Allah, il calcule chacune de tes mots, chacune de tes paroles, il les calcule. Même tes pensées et tes intentions. Alors, fais attention à ça. Et donc, tout ça, c'est des hadiths qui nous rappellent le danger, donc, de la langue et de ce qu'on dit, et de préserver notre langue pour éviter, justement, de tomber dans le péché et de faire des choses qui nous font perdre le bien. Puis aussi, en même temps, ça ne veut pas dire que tu vas avoir peur de parler. Lorsque c'est nécessaire de parler, lorsque c'est nécessaire de dire le bien, lorsque c'est nécessaire de dire la vérité. Parce que des fois, il y a des gens, par fausse pudeur ou fausse piété, quand c'est le temps de dire la vérité, de défendre la vérité et de dire qu'est-ce qu'il faut dire, ils font la fausse piété. « Oh non, moi je ne veux pas parler, non, j'ai peur, ou je ne veux pas... Hein? » Non. Quand il faut parler, parle. Il dit la vérité et défend la vérité, ça, au contraire, ça, c'est le courage. C'est la caractéristique du mu'min qui est courageux de dire la vérité lorsque c'est nécessaire. Et de parler et de dire, yani, qu'est-ce qu'il faut dire pour défendre le haqq. Tandis que lorsque c'est des choses mauvaises, retiens ta langue. Et c'est tout. Hein? Mais il ne faut pas, yani, faire semblant non plus, comme si tu dis, c'est le temps de parler, parle. Clarifie les choses, dis les choses. Si tu vois que ça va ramener du bien, ça va diminuer le mal, parle. Si tu vois que ça va pas diminuer le bien, ça va pas diminuer le mal, ou bien ça va augmenter le mal, dans ce cas-là, tais-toi. Hein?